Analyse du 2 mai 2023 par Thierry Pirlo, Sherpa One. La MHD pour les nuls. Ou technologie magnéto-hydrodynamique. Cela fait plus de 10 ans que je suis de loin les travaux fascinants du chercheur Jean-Pierre Petit, qui fut mis au banc de la société scientifique et du CNRS en particulier, pour avoir fait part de ses croyances extraterrestres sur les humites, ou humaux, et de sa version sur la fraude intellectuelle des faux attentats du 11 septembre 2001. Encore un putain de complotiste. Comme déjà dit précédemment, et pour me démarquer de tous ces malades mentaux d'extrême droite, pédos, racistes, antisémites, antivax et homophobes, je suis moi-même un complotiste, mais je préfère dire complologue. Souvent mal compris avec les théories très techniques de son modèle Janus, sur l'univers ou multivers, il n'est toutefois pas interdit de se montrer intelligent et de tenter de comprendre Jean-Pierre Petit. Dixit le boss de l'opposition contrôlée, le professeur Raoult. On trouve facilement Jean-Pierre Petit sur YouTube. La France, si elle avait écouté et soutenu Jean-Pierre Petit il y a plus de 40 ans, serait à cette heure probablement la première puissance nucléaire au monde grâce à la technologie MHD brevetée. Ainsi, c'est la Russie qui a été la plus intelligente quand elle a renoncé à faire une course aux armements coûteuses contre les USA après la chute du mur de Berlin en 1989. Dès lors, la Russie a concentré toute sa stratégie sur des technologies défensives à faible coût, des brouillards radars par exemple, mais aussi en secret sur la MHD de Jean-Pierre Petit, dont les travaux ont bien sûr attiré l'attention des agents russes établis en France. Ceci explique le grand film de la guerre en Ukraine que nous vivons actuellement, où les USA et l'OTAN n'ont d'autre choix que de la mettre en veilleuse et de passer à table avec Poutine, je dirais en avril ou mai 2022. Et ensuite de faire semblant de soutenir les ukro-nazis dans une pseudo-guerre perdue d'avance contre la Russie. Histoire de ne pas perdre la face devant les pays occidentaux complètement abrutis. La Russie est de fait en nette supériorité mondiale, grâce à ses missiles hypersoniques et ses torpilles sous-marines évoluant à des vitesses phénoménales. Je vous renvoie à mes 14 analyses de 2021 à 2023, disponibles sur demande, plus axé sur l'aspect militaire et notamment pour certaines sur la question de l'Ukraine, grand pays de sociopathes dégénérés, en voie d'extinction et de fractionnement irréversible. Il s'agit bien sûr dans toutes ces analyses de situation de mon interprétation personnelle et romancée, sortie tout droit de mon imagination fertile. Toute ressemblance avec des événements et ou des personnages de votre propre réalité ne pourrait être que fortuite et un pur hasard. Et non généré par la CIA, celui-là. Néanmoins, les complologues ont quasi raison sur tous. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont persévérants et sérieux dans leurs recherches, et qu'avant tout, ils font confiance à leurs ressentis. Ils ont de ce fait souvent plusieurs années d'avance sur le troupeau qui, lui, subit. À quoi tout cela leur sert-il, me direz-vous? Eh bien déjà pour commencer, à ne pas se retrouver injecté avec des substances inconnues en phase de test. Et ensuite, d'être autonome, après 3 années de guerre contre les peuples pour pouvoir tenir un mois minimum en cas de blackout à venir. À bon entendeur, mes amitiés de complologue, Sherpa One. Pour conjurer l'amorosité du moment, j'ai composé une chanson. Alors voilà, c'est ma Java à moi. Aime-moi, aime-moi, aime-moi comme je t'aime. Serre-moi, serre-moi, serre-moi dans tes bras. Quand l'amour est là, il faut le saisir. Car une fois qu'il s'en va, jamais ne reviendra. Et fini la romance. L'amour, ça vient et ça va. Et c'est bien mieux comme ça. Et c'est bonjour la chance. Les emmerdes, ça déboule. Ça vient et ça lasse, les jours, les mois, les années, ça vient et ça passe. Que reste-t-il dans mes mains? Adieu, jeunesse. Mais tout ça, moi je m'en fous, ce qui compte après tout, ta tendresse. Tes bras autour de mon cou, le reste est illusion, je les laisse. Dans la vie, Les gens courent après des mirages, pas le temps pour les amours, sinon de passage. Quand vient le soir de la vie, si on n'y prend pas garde, on se trouve comme un idiot traînant dans les bistrots, comme un vieux. Adieu les serments d'amour, c'est fini les beaux jours, les temps des amoureux. Mais moi, pas si belle, tu trouvais la douceur, celle qui met mon cœur en fête, qui conjure les malheurs. Et même quand le ciel est gris, pour moi le soleil brille, car le soleil c'est ses yeux, je suis toujours amoureux de ma belle. Et ce sera toujours comme ça que ça vous plaît pas. Et voilà,